Je ne sais plus ce qui est réel. Je vois en battant des ailes. Je veux survoler les chemins qui m'ont mené à ce refrain. Retrouver tout ce qui est loin dans ma mémoire. Moi qui ne crois plus au destin, je veux voir mes traces de gamin. Me revoir quand j'étais plein de rêves et d'espoir. Fais de moi un petit cratère, juste le temps de voir du vide lunaire, le petit point de l'acteur. Je vois du vide lunaire. Voilà où j'essaie d'être heureux, où je fuis le ventre creux, où j'essaie de faire comme ça. Ce qui m'attire, là où j'essaie d'être joyeux, d'être aimé, d'être amoureux, où je rêve d'un horizon bleu, où je délire, je délire, je délire, je délire, je délire, je délire, je délire. Oh Dieu, fais le feu.